émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Ouais, ouais. Tous les soirs sur Skyrock. 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spéciale Révolution Urbaine. Spéciale Révolution Urbaine, c'est la dernière. Comment ça va, messieurs? Ça va, tranquille. Ça sent la fin, c'est ça? Ça sent la fin. Ouais, on est triste. Bon, tout va bien, vous êtes triste, mais attendez, heureux pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de Marseillais qui sont là aussi en famille, donc. On va leur poser la question. Est-ce que les Marseillais sont dans la place? Ok, il y a Gibson, M43, Abdel de la Cayole, MOH, Gaza, toute la famille, CBR, Click, Amen, Mike, toute la famille ce soir. Et puis, autre bonne nouvelle pour les Marseillais, vous avez un nouvel entraîneur. Il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous êtes au courant que c'est tombé, ça y est. Bielsa? Ouais, ça y est, c'est signé. Alhamdoulilah. Pour 2 ans. Tant c'est bon, c'est fait. En espérant que ça aille jusqu'au bout. Moi, juste 2 petites secondes. Vas-y, après, la mèche, après le micro, attention, la mèche. Aujourd'hui, après c'est un jour important pour moi. Je voudrais faire une grosse dédicace à mon fils Caïs. Ah. C'est son baptême. Oh, donc, je lui fais plein de gros Caïs, bisous. Il a coupé les et demain, on va faire la fête. Voilà, je t'aime, mon fils. On va te couper le kiki. Voilà, c'est bon, c'est passé. Bon, ben voilà, on salue en tout cas toute la famille. Et tous ceux qui sont là tous les soirs de la semaine entre 20 et 21, si vous n'étiez pas là vous hier soir, vous avez loupé ça. D'une meuf comme Charles, j'ai des moyens constats. Essaye d'imaginer la misère sur une carte postale. Tu poses des bouteilles en bois, tu vends comme l'eau potable. Alors évite de me comparer à tes rappeurs. Je tape, tends pas la main aux adversaires. Je suis en poster, t'es en poste pour qu'un te l'insère. En voie de fond, on se privera pas du dessert. La droite à poster ou la patate à Yvan Sorel. L'esprit ténébreux, parlons billets, parlons hébreux. On sait que l'argent sale a soigné beaucoup plus d'un hébreux. On arrive, tu vas te faire fumer, c'est la Jamaïque. On rappe depuis la fusée, satellite. C'est la maison mère, c'est l'orbite. Laisse les saliver sur le succès, mais quelle idée. Ils pensent plus à faire du buzz qu'une musique de qualité. Validé dans le centre-ville des quartiers sud au QNC. T'as tué le mouvement, c'est l'irrespect. La gratitude au TMC. Même les mineurs font des majeurs. Vide ton chargeur sur le videur. Tout ton chargeur sur le videur. Tout ton chargeur sur le videur. La drogue, ça se moule les cages. J'ai grandi dans le deal de H. Ils veulent qu'on tourne à la page. Mais mec, c'est impossible. Pourrais peut-être te pardonner, mais je suis pas de ceux qui oublient, mec. J'ai un décidé. Mais bon, va baisser la télé. Pour moi, c'est que le début pour vous tous. C'est terminé. Pas gêné, déterminé. Sois pas gêné. Non. TMT, c'est que c'est moi le meilleur de ma gêné. Faut que les haineux, les clients, moi je leur vends du haineux. Voilà le live, une partie du live, sinon l'intégralité vous le retrouvez en image sur skyrock.fm, sur leplanetrap.skyrock.com. C'était lourd. C'était très très lourd. Est-ce que ce soir ça va être lourd? Ça va être archi lourd. Donc, on a dit qu'on allait faire trembler les murs de Sky ce soir. Donc il faut prévoir un long freestyle. Un moyen freestyle. Un petit freestyle. Un moyen, a priori. Ok, long, ça a changé. Entre moyen et long. C'est ça, ce soir, ça va être un long freestyle. Et il va falloir présenter nos amis qui sont présents. Donc, on a MOH donc, qui vient de la solide. Ça va, les gars? Ça va en forme? Tranquillement. Tout se passe bien? Ouais, ça va, et toi, Fred? Bah, écoute, en pleine forme aussi. Ah, ben, je suis là, je suis venu soutenir mes frères de la révolution urbaine. Voilà, toi aussi, donc tu es monté, tu es venu apporter un peu de soutien. C'est ça, un peu, beaucoup de soutien. Beaucoup. T'arrives aujourd'hui? Ouais, je suis arrivé là ce matin. Ce matin? Ouais, ce matin. Tac, c'est rapide. Pas trop dur de quitter Marseille? Non, ça va, on a l'habitude. Bon, on va retourner quand, les gars? Briganté? Ce week-end, vous êtes... Nous, dimanche. Ouais. Demain, vous êtes en concert d'ailleurs, enfin au showcase en plus. On est au concert, au Village Russe. Donc venez avec CBR Click qui sont là aussi. Oui, qui sont là. Paris 19, 75019, baba. On est là. CBR Click. Donc demain soir, à pas louper, au Village Russe. Du côté de Paris, en région parisienne, c'est dans le 13e, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, renseignez-vous, vous allez trouver facilement le Village Russe. On va écouter des extraits de l'album qui sort lundi, parce qu'on l'a pas dit, mais ça approche. J-3. J-3. Cheval de Troie. Cheval de Troie, J-3. C'est la journée des Trois ce soir. C'est ça. Avec Révolution Urbaine, vos messages, vous balancez avec le hashtag Russe sur Skyrock. Et comme chaque soir, on débute avec No Life. C'est ça. Soprano est aussi sur le morceau. That's a brand name. Formaté par MTV Base, Steve Jobs et le groupe Bilderberg. La drogue et de la bouffe de synthèse pour un cancer à la trentaine. Génération cocaine, MDMA Lil Wayne. Tapoué comme des rockstars, on veut peser jusqu'à The N. Qatar et Chine pour un monopoly de l'Europe. Et moi j'attends Marseille en nouvelle map sous Call of. Ils annoncent la neige dans les Caraïbes, c'est

This is qui vous avez invité dans son Planète Rap. Et moi je propose qu'on fasse le match retour. Un gros. Alors il peut pas être là ce soir malheureusement, mais on l'a par téléphone, This is. Ah ouais. Allô, This is. Allô. Oui. Ça va? Oui, allô. Allô, c'est MC DC, j'appelle pour le freestyle au téléphone. Eh ben, ça tombe bien, c'est le moment, on t'écoute, on balance l'instru, c'est parti. DC du 9-1, c'est ça, hein? Bien oui, au coup, DC. Ça va, les gars, ou quoi? Tranquille. Ça va, tranquille, et toi? Ouais, je suis désolé de pas être là, mais je suis dans des trucs de dans groupe. Des bails. Mais c'est cool. On a compris, tranquille. Bon, on va écouter l'extrait, justement, quand t'avais invité Révolution Urbaine, c'était pour ton Planète Rap. Ça a pas changé. Est-ce que t'as écouté un peu l'album ou pas encore? Bah, oui, j'ai écouté il y a longtemps. Moi, j'ai eu l'honneur de l'écouter il y a presque 2 mois quand j'ai fait une date à Marseille, même plus que ça, 3 mois. Ouais, c'est ça. Et vraiment, j'ai vraiment kiffé. C'est qu'après, je leur ai proposé de travailler un petit peu avec eux sur 2-3 trucs et c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, il y a le clip de la Provence qui est juste somptueux et puis un prochain qui arrive. Ils vous en parleront, mais enfin, voilà quoi. Mais oui, parce qu'il a piqué ton équipe en fait pour aller. Ils ont piqué l'équipe en fait d'ici. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un peu travaillé. Tu sais, on fait un peu tout à trois, tu vois. Donc on a travaillé sur ça. Voilà, on leur a proposé ça, ça leur a plu et puis voilà, c'est cool quoi. Ouais. Eh ben très bien, on voulait t'avoir un petit peu, de faire un petit coucou, te remercier aussi d'avoir soutenu Révolution Urbaine. Merci pour le soutien. Ouais, il n'y a pas de problème, comme on le sait, c'est pas un truc que je fais souvent, donc quand je le fais c'est vraiment honnête et sincère. Quand je pousse un groupe ou un artiste et que j'apprécie vraiment, non pas que ma parole a plus de valeur que celle d'un autre, mais en tout cas, voilà, moi je suis honnête, c'est vraiment un super groupe. Marseille revient en force là et je suis vraiment fier de faire un truc plutôt partie de cette histoire-là. C'est un super album, un super groupe, je le conseille à tout le monde. Merci JC. Et ben merci à toi DC d'avoir été avec nous par téléphone. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, This is qu'on avait à l'instant en ligne. À moins que vous vouliez lui rajouter quelque chose, dire un petit mot. Déjà, très grand merci déjà. Une nouvelle expérience pour nous. C'est une nouvelle expérience de faire le clip réalisé sur Marseille par des réalisateurs parisiens avec leur recul. Donc c'est tout simplement. C'est parfait. Tout va bien. Merci les gars. Merci à toi, This is. Merci. Big up, les gars. Big up. À bientôt, This is. Ciao. Ciao. This is avec nous dans l'émission entre 20 et 21. Voilà, des petites surprises pour conclure cette semaine avec Révolution Urbaine. Avant de vous laisser retourner non seulement dans les bacs, mais aussi un peu partout, on espère une tournée aussi rapide. On parle un petit peu. Il faut attendre que l'album décolle et explose. Inch'Allah. Pour partir dans toute la France. Mais il y a des dates déjà qui. Et il y a déjà des dates qui. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux et tout. On n'en a jamais parlé. Mais oui. Twitter, RUE1301, Facebook, Révolution Urbaine, Instagram, RUE1301 ou tout simplement Révolution Urbaine sur Google, la famille. Allez-y, on va écouter un morceau puisque dans quelques minutes il va y avoir du live. Un gros live qui se prépare. On met quel titre, messieurs? Zombie. Ça s'appelle comme ça? C'est Zombie. Vous voulez dire un mot dessus? Ouais, pour nous, ce morceau, c'est les résidents d'Anville. C'est les résidents du centre-ville, le morceau des zombies du résident d'Anville. Eh ben, allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Isaac Beat. Yeah. Blue Magic. That's a brand name. Yeah. Laissez passer les résidents d'Anville. Chez nous, on te gang en vite. C'est le rappeur, hacker, rappe-toi ma gueule. Centre-ville, je suis sur le pendentif. Raconte pas ta life, j'écoute les sons de Santana. Si loin de Punta Cana, tête cramée sous le bandana. J'me balade chez toi à poil pendant que papa n'est pas là. C'est banal, ne me demande pas pourquoi ou on te balade. Faut le plat, faut le faire vite, écoute bien Harba. Sans le permis, j'ai des coups de rein, flot de dingue. J'ai la technique, t'as le Wu-Tang. On balaye ta gadji et c'est le boudin. Demande pas trop d'efforts. J'suis dans les airs. La gueule trop est si forte. La street c'est clair. Passez vos passeports ou visa d'air. Préparez-vous, j'sors trop pulmonaire. Assis-toi, prends l'air. La side moi ton père. Ici j'crois que c'est la guerre. Centre-ville, le cimetière. Ce soir tu dînes en enfer. 3-4 pétards, j'suis au ralenti. mais j'kique sa mère la pute, j'débite comme un zombie. Vos clips, vos sons, vos textes, rien que ça sent l'entourloupe. Rapper des heures, j'peux le faire, mais c'est trop facile pour nous. Aujourd'hui, tu t'es manqué, j'te baise le jour d'après. Vicieux comme Dick Mackey, un opinel pour crever l'abcès. Évidemment, mon pétard est corsé, j'arrive à vous choquer sans forcer. Cheval de trois équés et la bombe que personne ne pourra désamorcer. Demande pas trop d'efforts, j'suis dans les airs. La gueule trop est si forte, la street c'est clair. Passez vos passeports ou visa d'air. Préparez-vous, j'sors trop pulmonaire. Assis-toi, prends l'air. L'acide noir, ton verre. Ici je crois que c'est la guerre. Centre-ville, le cimetière. Ce soir tu dînes en enfer. Les demoiselles veulent du candy. Brandy, Monica ou même Candice. Banni sur le crâne lombi. Pendant que les toxicos gobent des champis. Pas à la rabia, ta candy. Ici on calache, calache les bandits. Toujours prêt pour un plan B. On fait passer la cam par ta frangine. Sky et coca cristalline. J'tendine pendant que tu dindonnes en ville. Le peur à rap pour des centimes. Sans pitch, grappe de raisin, tu me ventiles. Mon but liquidé. Sans qu'il le s'enfile et sur écoute et tu te confies. Ferme ta gueule, qu'est-ce t'en dis. Ça fait du pis, j'y pense et j'suis gentil. Pas trop d'efforts, j'suis dans les airs. La gueule trop est si forte, la street c'est clair. Passez vos passeports ou visa d'air. Préparez-vous, j'sors trop pulmonaire. Assis-toi, prends l'air. L'acide noir, ton verre. Ici je crois que c'est la guerre. Centre-ville, le cimetière. Ce soir tu dînes en enfer. Zambé. Pour tous les zombies dans ville. Des quartiers nord, des quartiers sud. Pour Marseille, Paris 19ème. En Ibaba. Révolution Révolution urbaine avec nous entre 20h et 21h avec ce morceau qui s'appelle Zombie qu'on retrouve sur l'album qui sort lundi, Cheval de Troie. C'est ça, J-3. Grosse équipe, vous l'avez vu, si vous avez les images, il y a une ambiance assez incroyable dans le studio, vous pouvez la mater. Surtout sur la caméra, la famille. Familiale. Et il y a quelques minutes, Zino, tu posais une question à propos du clip. Oui. La Provence. Oui. Veux-tu la reposer, s'il te plaît? À quel moment apparaît MOH dans notre clip La Provence, dans le clip officiel? Eh bien, est-ce que Perrine a la bonne réponse? Allô, Perrine. Allô. Ça va bien? Ça va, et vous? Bah ouais, bienvenue, t'habites à Amiens? Oui, voilà. Et tu supportes Révolution Urbaine, hein? Ah bah depuis un petit moment hein. Depuis un petit moment on a vu ces messages. Elle a pas arrêté d'envoyer des messages toute la semaine. On les voit tous les jours sur Twitter. Petite Perrine, ça va? Ça va. Tranquille. Est-ce que tu as la bonne réponse, Perrine? Alors, c'est à 3 minutes 51. Exactement. Voilà, bravo. Bim. Ah, bravo, bravo. Bravo, bravo. Perrine, tu repars avec l'album dédicacé de Révolution Urbaine. Ouais, c'est super sympa. Même si à mon avis tu comptais déjà le prendre lundi. Bah, il est déjà précommandé, mais bon, ça peut faire. Ah bah voilà, bah, tu l'auras sur les deux supports. T'auras, voilà. Tu l'auras sur le portable, sur les tablettes, et puis t'auras aussi avec le CD dédicacé. On t'enverra le vinyle, tu auras toute la collection, t'inquiète. Waouh, la cassette. La panoplie. La cassette Révolution Urbaine. Et bon, t'as une petite question à leur poser, tu veux leur passer une dédicace, dire quelque chose, Perrine, on t'écoute, vas-y. C'est vrai qu'ils viennent dans le nord un peu. On vient dans le nord. Elle est à Amiens. Amiens. On viendra. En Picardie. On essaiera de venir. Et ben merci à toi en tout cas. Ben merci à vous. Passe une bonne soirée. Ben vous aussi. Ciao. Mon Perrine qui vous attend dans le nord de la France en Picardie à Amiens et puis pareil un peu partout on vous demande. Ce sera pour le courant de l'année 2014, vous inquiétez pas. Ça fait plaisir. Est-ce qu'après la pub, on attaque le live direct? Je pense qu'on va attaquer le live direct pour avoir le temps de laisser rapper tout le monde. Voilà. Et nous, on aime bien quand ça kick. On est chaud. Tout Marseille est là, les centres-villes, les quartiers nord. Il y a Paris aussi, on ne va pas oublier Paris aussi. Il y a Paris, 19ème. Tout le monde est dans la place. Ça va être un freestyle sur la semaine. Gros big up à CBR Click. Bien dans Marseille, centre-ville, quartier nord, quartier sud. Il y a tous les représentants marseillais. Eh bien, ne bougez pas dans un instant. Cheval de Troie, l'album de Révolution Urbaine qui sera dans les bacs dès lundi et à vivre en live puisque dans quelques minutes et juste après la pub, ce sera le freestyle avec Révolution Urbaine et tous leurs invités. Yeah. C'est juste après ça sur Skyrock. Yeah. Révolution Urbaine a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Révolution Urbaine tous les soirs et la dernière ce soir avec beaucoup beaucoup de monde dans le studio avec ouais. Révolution Urbaine au micro. Oui, oui, baba. Et je crois qu'il est grand temps parce que tout le monde me paraît bien chaud et je crois qu'il est grand temps d'attaquer tout de suite le live dans l'émission dans Planet Rap. On va pas perdre de temps. La mèche est au platine. Yeah. Restant. Eh, moi je veux voir tous ceux qui sont là ce soir à Planet Rap les bras en l'air. Comme si on était au concert les gars. Tout le monde les bras en l'air. Mèche-t'en. Allez, ouf, t'es tout seul, t'as zéro allié. Je vais pousser un genre de Jerry Halliwell à ceux qui font des doigts d'honneur avec l'annulaire. Oui, je te parle de ceux que tu trouves pas dans l'annuaire. Un peu comme Johnny Hallyday, on va vous allumer. Nous ramène pas ta minette, on va la contaminer. Guérilla, mafia, sicilienne, Attiral, Emira, salbiage brésilienne. Sur les virages, on va tout droit. Tous accrochés au ballon de la dounia. Maintenant, papa fait les doigts. Je vais trouver les trouillards. Voilà le son des débrouillards. On se brouillard dans le brouillard. Les radars, les condés, dérapage en compète, vaillant comme un pompier. Venez vous êtes combien. Après la vie, pas de plan B. Après la pluie, vient la tempête. On vise le sommet, gloire et monnaie. Fais péter le gain dans ton espace. Lève ton bras, lève ton balai. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Sans déconner, on va les cogner. Et que pour tous ceux qui connaissent pas. Lève ton bras, yeah. Lève ton balai. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Carlito Brigante. Je calme ma son apogée au cas où tu serais tenté de faire du zèle. Tu vas finir enflé comme le cul à Nicki Minaj après une OP rationnelle. Quand il s'agit de kicker, ta carrière semble un peu bancale. On va la gicler ou gifler sans même t'expliquer ce que tu fais. Ces mains circulent dans le temps, on s'occupe de tes 20 minutes. Je peux te balayer en lusophone. Baso di Corona de Tibouchon. Tu rêves de secouer Popol. T'es qui la Corona, mes coronets s'affolent. Rien à foutre du gâteau pour la pâtissière sur un plateau. Des conseils aux ados. La dalle au cousin gâteau d'abattre. Je me tire en radeau. Cheval de trois carrés. On vise le sommet. Gloire et monnaie. Fais péter le gain dans ton espace. Lève ton bras. Lève ton barré. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Sans déconner, on va les cogner. Elle rigole pour tous ceux qui connaissent pas. Lève ton bras, lève ton bras. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Dans la bouche, tu bats sur moi et mes potes. Avant de me pointer du doigt sur toi que ta main est propre. J'apprenais pas mes leçons déjà depuis l'époque que donc je sèche les cours de la nouvelle école. Tu peux ramener qui tu veux, les grands ou bien tous tes mots. Je suis toujours en attaque dans le rap, je reste hors jeu. Je suis un genre de genre super saiyan, toujours saiyan. Je vous mets hors de vous. C'est pas qu'on est rancunier, mais bon, si tu nous tends la joue ici, on rend les coups. Toi t'arrêtes pas de reculer, c'est con. J'ai même pas mis la troisième, vous calez tous. Mis sous quarantaine, encore haron. Baisse, on arrive, ta carrière, on met en parenthèse. Tu crois que tu te gaves, mais tu t'es garant. Bref, puis tu réalises qu'on a pas les galants. On vise le sommet, gloire et monnaie. Fais péter le gain dans ton espace. Lève ton bras, lève ton barré. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Sans déconner, on va les cogner. R.E. pour tous ceux qui connaissent pas. Lève ton bras, lève ton barré. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Dépasse, dépasse. Saute jusqu'à toucher ce qui te dépasse. Dépasse. Révolution urbaine. Mais c'est dans les blocs. Duplex. Révolution urbaine. Révolution urbaine. Marseille, Centre-Ville. Cheval de Troie. Cheval de Troie. Yeah. Ok. 1. Le sec, mais c'est dans les bacs. Le sec, mais c'est dans les bacs. Le sec, mais c'est dans les bacs. Le sec, mais c'est dans les bacs. Le sec, mais c'est dans les bacs. Le sec, mais c'est dans les bacs. Le sec, mais c'est dans les bacs. Mais c'est dans les bacs. Je monte pas à gauche, quand j'ai de la farine. Farine, Val Salam, tu m'as trop slim. Gros slim, les cons des mons sous bobine. Je suis en capote dans ta copine. La Blue Magic se déverse dans la ville. Je la fais tapiner dans la street. Je suis télé-télescopique. Petit dîner télé-tanking. Mac de bas étage, t'as passé l'âge. Je vais récupérer mon pourcentage. Pour sans passe, pur sans masse. Caps, doucement vu qu'on en rage. Je suis dans l'axe, paye mon dollar. Connasse, tout en pas, je prends de la masse. Vida loca, pas très locasse. Vorace ou plein. Y'a que les bâtards qui n'ont pas d'amis. Amis. Que les mythos qui n'ont pas d'âme. Y'a que les cons qui ne changent pas d'avis. Que les girouettes qui changent de camp. Pour les polos, en manque de aînés. Je suis toujours là, je dépanne. Ouais, je pose mes deux couilles sur ton nez. Je t'offre une vraie paire de Ray-Ban. Y'a rien pour les vautours. Chez nous, on s'aime intensément. On sait bien que la roue tourne, mais ne s'arrête pas forcément. Forcément, on va finir par te porter des fumées. Sache que, sache que, on sort du CV, bande d'enculés. J'écris beaucoup, j'parle peu. Ainsi, c'est ZDNO qui t'assassine. Tu peux pas tester, comme si j'avais fait médecine. Venez même à 5-6, t'es gravé, ça m'excite. Je t'explique, calmement. Dans le lexique, lyrical, armement. Ça kick sale, c'est pas du rap, t'es allé l'ouest. C'est le sud, t'es à l'ouest, et t'en perds le nord. Tu nous connais sur le temps ou t'en vaisse pas. En veste pas. Tu reconnais la gimmick à la Busta. Wesh, trop. On met à la main des bastards. Ça passe pas, on roule sur la concurrence en classe 1. Excellent, mec, c'est moi, le rap t'as ça. Excellent, c'est le R, c'est l'ancien Barça. J'ai le bon, j'ai la technique, je manie la rime. Pour tous mes gros que j'estime, Sony et Navi. C'est pas la coque de Tony et Mali dans les narines. Mais pour ma daronne, je pourrais m'engager dans les marines. Nous, on vient pour vous remettre d'accord. Même si on pète la forme, ralentis, je guette la forme d'ici. Moi, les jaloux, jette l'œil et j'hallucine. La plupart, on soit tous sales, ils font des films t'as ciné. C'est du rap sale, si ça marche pas, je vais m'exiler. En pataillant, on fout ta canne sur les ciné. Vas-y, chine. Allez, on est passé ton métier. Y'a rien à faire, y'a pas de ciné. On veut les arrières, qu'on peut rester la routine. Après le mot routine, révolution urbaine. Viens mettre dans la place, Baba. Bah oui, Baba, ce que je vois, c'est chaud. C'est chaud. Ah oui, à ce que je vois, oui, c'est chaud. C'est chaud. Grosso, c'est BR. Clic, clic. Bah oui. Ça fait Blue Man. Quand je dis bah oui, vous criez tous Baba. Bah oui, Baba. Bah oui, Baba. Quand je dis en I, vous criez tous Baba. En I, Baba. En I, Baba. Quand je dis bah oui, vous criez tous Baba. En I, Baba. En I, Baba. Quand je dis bah oui, vous criez tous Baba. En I, Baba. Baba. J'ai appris à pêcher, maintenant il veut me grind. Un deck, ça c'est pêcher comme la vie que tu veux. Grind, ça je mise à la sécher. Je vois pourquoi il braille. Allez, casse-toi de la même pas parler si tu es. Aucun flow, aucun style. Enfin, c'est un peu le flow que tu nous pompes. Dis style. Vas-y, fais un slow, toi et tes punch. Line, c'est pas du tout ce qu'on envoie, nous c'est péter des missiles. Allez, file pour la fuite, sur un show pour ton cavi. Tu vas voir le cas au rond-point ou au cavi. Cavi de l'eau, l'eau, c'est donné du jaloux. Jaloux, ta faute, t'es pas dans un javeux. Javeux, jaloux, jaloux, relou. Toujours à critiquer ce qu'il peut pas commettre. Quand t'as pas vu, c'est pas vous, un pas vous, les roues. Personne pourra stopper ce qu'on va connaître. On découpe les bites, on les prend en partout. Le sac mais va pêcher à vos cheval de droit. On y va toute la France, tu trouveras partout. C'est la CBR clip, bah oui mon gars. On découpe tous les bites, on les prend en partout. Le sac mais va pêcher à vos cheval de droit. On y va toute la France, tu trouveras partout. Chabot, high kick, sagat. Année 2000 dans le check, rug, sagat. Agathe, te gâte, t'inquiète, t'inquiète, papa. Importe qui est, n'importe lequel, je m'attends. En patate, en patate, j'aime les compatas. Enchaînement pour j'allais dans un toit. La côte à Yoketa, à Tenta. Rug, ça déboule, tu croirais qu'on est tenta. On est t'es dans les corps pour des pantins. Tire les ficelles, toi tu n'es que le pantin. Ramène-le-moi que je l'avoue que je le tente. Avec les textes, sort les textes là-bas. Ou perd des textes, il sort la tête là-bas. Récupère la tête là-bas. Des trucs de la tête, t'as des putains là-bas. Mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, mon gava, personne ne l'aime, tous les soirs on lui passe le salam, salam. Tu pécanes, toi tu deviens Oula Djokosa avec les chamans. Chaman. 5-5-0, 20-1, toujours en hypo, quand que putain chaman. Baba, ramène. Qui tu veux, quand tu veux, où tu veux, ramène-le. Ramène-le. Baba, ramène. Baba, qui tu veux, où tu veux. au cheval de Troie. La France tu trouveras partout. La TBR clique, bah oui mon gars là. On gaba, tous les buts on les prend en partout. Va pêcher à vos cheval de Troie. Troie, tu trouveras partout. Bah oui, par on s'appelle des bars. Et le rap promet des bars. TBR clique, j'irai qu'on démarre. Au quart de tour comme dans une bagarre. On se démarque de ceux qui débarquent. Pousse le sommet tel les bacs. Va kiffer tous ceux qui nous remarquent. On sait qui est nouveau prince du bar. Tous mes bars tout rebeux black. Number one, t'as terre de one track. Sur notre style, les yeux tago crac. On les braque à l'après, j'y craque. Sans faire de crac-crac, pour faire monter l'audimat. On arrive dès 6h du mat, c'est clair la cabine. Comme les bars, le micro on va l'enflammer. Terminé sur le pavé, la terre parisienne enragée. La street nous a tous engagés. Vous deviennent bienvenus à Cambrai. On fait pas les choses à moitié. On tente notre chance, quitte à tomber de haut. Les faux, je les boycotte, les mecs à haut. C'est la CBR, oui, on gaba, on gaba. Tous les buts, on les prend en partout. Le sac fait va pêcher à vos cheval de trois pas. On va, la France se trouve à partout. C'est la CBR, oui, on gaba, on gaba. Tous les buts, on les prend en partout. Le sac fait va pêcher à vos cheval de trois pas. On va, la France se trouve à partout. Bah oui, baba, bah oui, baba, bah oui, baba, bah oui, baba, bah oui, baba, bah oui, papa, je vais les gars, je vais les gars, le frelon, le gars, le mou, je sais pas, tous les frelons, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, le frelon, la santé, les pommettes. Dédicace à toute la grille, dédicace à Badria, dédicace à Mohamed, révolution urbaine. Le fils va s'occuper de vous. Et Durna Gaza. Wesh, Hassoul, fais tourner le bédo. Je suis le meilleur, ça sert à rien de bouder. Que des haineux, et ça je m'en doutais. Béton, Gaza, on est soudés. Wesh, Hassoul, fais tourner le bédo. Je suis le meilleur, ça sert à rien de bouder. Que des haineux, et ça je m'en doutais. Respectons. Gaza, on est soudés. J'ai que ça se pige, je sais que t'as le seum. Décompresse, vas-y roule la jointe. Vas-y renvoie, toi et t'auras pas l'antenne. Dire la Gaza, fait bouger toute la scène. Marre des flemmards, des dégâts que je commets. Demande à Reda, est-ce que t'as que je grimpe au sommet. Je vérifie, je crois que j'étais pas bien assommé. Je fume que des becs. Non, non, j'ai pas sommé. Je suis fait, je sors de zombie. Quoi, ça m'est refri, les peines qu'ils ont pris. Je suis dans l'espace, je veux de l'espèce. J'ai fait la plage, je veux voir que des grosses fesses. Demande pas, froid, je rappe. T'as ta paire de roi, t'inquiète, ma paire d'as. Sale bouffon, tu croyais max. Je t'ai troué comme des Air Max. Wesh, Hassoul, fais tourner le bédo. J'suis le meilleur, ça sert à rien de bouder. Que des haineux, et ça je m'en doutais. Respectons, Gaza, on est soudés. Wesh, Hassoul, fais tourner le bédo. Fais-toi aller, ça sert à rien de bouder. Et ça je m'en doutais. Gaza, on est soudés. Coupé, je déboule sans cagoule. Marseille, ça rafale sa mère comme boum. On voit du lourd, n'est pas les boules. Mais pas de casson si tu prends pas des boules. Des fois, pas avoir envie de braquer des caisses. Que je tourne en rond, mon école, c'est ma thèse. Dis leur grosse tête, qui peut me tester. Je bicrape des morts à l'heure de la sieste. La zone, c'est toutes ces merdes, c'est fini. Je sais même pas comment ça va se finir. La mort, on la voit pas du tout venir. C'est dans le futur que je vends mon avenir. Soir, ceci, une soirée dingo. Putain, faut que je gagne au bingo. Gaza, c'est le logo. Toujours A dans les pogos. Gaza ce soir avec la révolution urbaine. Allez pécho le 5, le CD le 5 mai dans les bacs. Allez-y les frères, allez-y l'acheter. Gaza, ça va passer aux choses sérieuses. On va ensemble gros. Gaza. Nous contre nous. Où sont nos opposants? Où sont nos opposants? Ces baltringues sont-ils tous imagines? Sont-ils imagines? On lutte pour et on affronte tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. On lutte pour et on tire sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Nous contre nous. Où sont nos opposants? Où sont nos opposants? Ces baltringues sont-ils tous imagines? Sont-ils imagines? On lutte pour et on affronte tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. On lutte pour et on tire sur tout ce qui bouge. J'fume de la slaviage pour des filles sensibles. Chargeurs sont extensibles. On porte nos couilles, ils portent des couches. Ces faux MC sont pas compréhensibles. Faut déclouer leur putain de bête. A tous ces imposteurs qui jurent pour l'I be live. Qu'un délégant fait moins mal qu'un mauvais juge. J'fais pas de cadeaux. Grave débûcher de Noël, je les mène en bateau. Ce sont des rappeurs ou bien des poètes. Un vrai bonhomme médite avant d'ouvrir son clapet. Je passe des clés morts. J'observe ces salopes rentrer. Nous contre nous, où sont nos opposants? Ces baltringues sont-ils tous imagines? Sont-ils imagines? On lutte pour et on affronte tout ce qui bouge. On lutte pour et on tire sur tout ce qui bouge. Contre nous, où sont nos opposants? Ces baltringues sont-ils tous imagines? Sont-ils imagines? On lutte pour et on affronte tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. On lutte pour et on tire sur tout ce qui bouge. Je gagne tous les combats, ces enfants sont vraiment de mauvais perdants. De mauvais perdants. Ils me cherchent, ils sont comme la chatte à ma salope, donc je les rentre tous dedans. Je les rentre tous dedans. Ils ne peuvent m'atteindre. Ils ne peuvent m'atteindre. Ils ne peuvent m'atteindre. Ils ne peuvent m'atteindre. Ils ne peuvent se plaindre. Donc ils rêvent de m'éteindre. Donc je suis toujours sûr, j'ai mon gilet pare-balles en tant qu'armure. La biatch à côté a besoin que je la rassure. Je suis dans le futur, mais je suis pas son futur. Je suis pas son futur. Aucun sentiment envers aucune séraclure. Si je verse une larme, c'est que ma weed est trop pure. Nous contre nous, où sont nos opposants? Où sont nos opposants? Ces baltringues sont-ils tous imagines? Sont-ils imaginaires? On lutte pour et on affronte tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. On lutte pour et on tire sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Contre nous, où sont nos opposants? Où sont nos opposants? Ces baltringues sont-ils tous imagines? Sont-ils imagines? On lutte pour et on affronte tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. On lutte pour et on tire sur tout ce qui bouge. Gaza. C'est de l'inattendu. C'est l'assemblée des bas-fonds en Skyrock, photo. Abdé, ça t'es pas le meilleur disque pour les 13001. Marseille, Paname, on est ensemble. Si c'est Berkeley, Gaza. J'ai décidé à faire de l'avant avant de décéder. R.U.E. Quand on pas conscient, les faux dingos. Pépite de crotte et de leur pur servient en lingot. Photo, ma rime prend du poids sans Jana ni proto. Dans le rap, c'est la sécheresse. On vous ramène un proto. Hein? Yeah, aïe. Jeune rêveur jugé à la masse. Pour qui réussite est une vitrine qui se brise à la masse. Qu'essaye un max d'armas avant que Polaï le ramasse. Car là-bas tu sais comment ça se passe. Tu dois faire face à cette réalité qui glace. Face à demain quand tu te regardes dans la glace. Sèche ou prends de la masse. Et du cœur au plus de sentiments qu'on max en chaudasse. J'ai trop vite à jouer les chaudasses. Mon cerveau me dit trace et que cette audace. Vélo Zaytas, oublie les tasses. Brune rose et blondasse. C'est des soldats du diable et de rond par la tasse. Dans sa présence futur va tralas. Nique sa mère, paillette, les strass. Galère et stress, le retard me presse. Les MC réclament un beat, on leur connaît en express. Le bitchcoin, préparer les compresses. Assembler des bas-fonds, ça vient du 13. On enchaîne. AD, double canon. Ouais, tu l'as pas vu, le poulet dans le canon. ما تخافش اني هنا اي مازالت لاشارج لي كانون جايين من لارج والنابالم منهم خارج عقلية ديما بارا جامي نرجع لورا معايا ولاد الشعب ولاد زواب واب واب لا صح في شيتا رشيتا ومشيتا ودركا راني جيت وعاد الجيل اني جيت عجيل في جيل بلا مانيير تاع عشيل جامي لاشيت نحب هارون الرشيد الالبوم جديد في سوفرونس تاع الناس مرة دي ستيلو يدير مساكر على ترونسونوز نولي جاس بلا فورس تاع ماسيست نكومباتي لا ميزير اللي لسقت فينا كيما الكيست جامي است جامي حبس جامي تعست تعفست وشبعت الشح هنا يصح من رخصت تقست وشطحت صبعي بقدها مرة مازلت ديما واد في سكاي روك كونتر راكا مرة فازي اون اونشان فازي كوبلي لي كوبلي لي نعاود اونشان اعطيني المايك مكرة بركة درك الدعوة راهي مقلوبة والناس مقلوبة كي ديوبة ولات مقلوبة الدنيا وكذوبة مكتوبة كلها ديكوبة معقودة جامي مقدودة كي بودة ولات معبودة الدنيا مهبولة مهما لي بروبلام الساب نوصيك من سكاي روك من ديال بلانيت راب با با عايز الكوز بيج اب دوبل كانون لوتي صحيح خويا Vas-y la mèche, on va faire ça, BRD mon cœur. KOFS, Cops, tout ça, Gaza, ma gueule. Gaza, c'est ce soir. On prend ma gueule. Ok, le 5 mètres dans les bacs, ma gueule. A Marseille, n'importe qui tire, les paillots font les nerfs. Tu te manques le jour de l'ange, t'allumes tout le temps, souhaitant meilleur. T'as fait du mal, ta mère prête d'aout el khir. Je mets ta passée du mat, pas pour te dire c'est pas al khir. Je connais la rue, la prison, les gardes à vue, les perquis. Ma mère et ma soeur pleurer. Poto, j'ai vu mon père triste. Avec moi, ne fais pas l'or, on sait d'où tu sors quitté. Toi, t'as donné déplacement, la juge m'a pas acquitté. Que Dieu me guide, enfin, c'est ce que je souhaite. Rouge 43 sous le sweat, rouge, m'en bats les couilles du sweat. Supporté par les bonhommes, RG, non, non, et Pumba. Appelle tes potes en cas de guerre, je te le jure qu'ils répondent pas. Moi, je vis d'herbe, tu pourras me croiser vers nos haïs. Je pense que le 23 décembre, je t'allume la veille de Noël. Quand je suis tout seul, personne remplit ma cuillère. Tous les week-ends, je fournis comme plus jeune, c'est pas la prière. Mes parents, je les ai déçus, je vois ma mère pleurer au palais. Désolé, yéyé, ma stan et ton fils ne sera pas là. Ma soeur, mon cœur est pas là. Frère, je jetais par la fenêtre. Mais gros, je parle aux putes. Allez, niquez vos mères. Ramsa fait un nick, les rappeurs sont des Renja. Les trois quarts sont des palos, je respecte plus Farakenza. Faut pas les coups du rap game. Font les rap tac, clochard avec une AK. 11-43 sous le parc. Vote ta pomme, Malibu, Polyakov, 8-6. Trop chelou, c'est ton si, demanda, Moutif. En 4 agents, on déconne, j'ai pas le million de déco. Il est temps que je décolle, ici y'en a qui t'ont déco. Le quartier a ses raisons, non, le mien a 7 heures. Ça tire sur n'importe qui, sache que tu t'es donné vers 7 heures. Entre les putes, les raiders. Le dégât, Marseille, je compte me tailler, je crois que je vais m'isoler vers Pékin. Je suis dans la musique, les frangins m'ont tous dit célèbre. Pire qu'un criminel, y'a des frères qui me disent plus célèbre. Je suis sur la sélecte, ils ont tous l'envie de me canner. Frérot, je suis pas un voyou, je te baisse à travers mon cahier. Mes amis, je les ai rayés, ces fils de pute sont pas clairs. À part Sidah et Oussa, Gaza, je pèse tous les rappeurs. MC, fais pas le voyou, rapide chez moi, on t'enterre. Toi, tu vas pas au charbon des mangas débrouillés. Le joueur de Don Marcin, ok, cousin. Ok, la famille. 43, ma gueule. Vas-y, sois resté sur le 11-43. Big up collectif, Carsos, ma gueule. Oussa, Gaza, mon frère. Sidou. C'est doux, ça casse, yeah. C'est doux, okay. Ça casse à ma gueule. Ou ça casse à ma gueule, yeah. Trop de sang à couler à travers ma cité. Cousin, je m'en bats les couilles. Où t'habites? On est excité comme un Mexicain. Sur le tarot, quand le baron, quand t'annonces le tarif. Drogue, illicite, argent sale. Ma gueule de pute quand j'ai dit des choses de taré. Coque, résine, liens dans un. La putain de sa race, la concurrence s'est barrée. Il est temps qu'on stagne, trop de temps qu'on stagne. Les années passent vite, chaque jour c'est la merde. Sauf qu'on avance pas, qu'on est plus le bon spa. Oui, à part quand on rentre de bois sur ma mère. Ça guette la semaine pour payer le week-end. Et si tu te manques, qu'on te met au piquet. On se laisse pas faire, on a le sang africain. Ici, soit tu baisses, soit tu te fais niquer. J'ai du mal et le chétan le maclame. Quoi? Autour de moi, tout qui s'embellit. Dur comme la loca, je fais du vagabond. J'hésite, le sage ou le bon délire. Y'a les drames et les bons délires. Ceux qui feront tout pour te les casser, casser, casser. On les a pris en flagrant délit. On est dans le futur et dans le passé. Je marche, massé. Si t'es glacé, rejoins tassé. Vous avez rien à assez. Génération casseur. On n'est pas de ceux qui sont pitié. Touche à ta sœur. Ma gueule, on a le sang mêlé. Dans la Marseillaise, on a retenu que les armes. Bizarre, tout ça, le sang devant nous armes. On a fait couler des larmes. Le démon est sans limite. Oussa Gaza, ma gueule. La mèche, on va rester sur les quartiers sud. Tucson, si vas-y, si fais-nous envoyer du quartier sud. Gaba Samba, vous êtes là ou quoi? Sidou, ok. C'est le quartier sud. C'est le quartier sud. C'est le quartier sud. RB, ok. Le TKC MHP, la Cayenne, la Dien. Ok. Écoute ça, mon frère. Quartier sud. Yeah. Ramène-moi tes frères, ramène-moi ton père, yeah. J'ai l'esprit de compète, pia, dis-moi pourquoi tu camperges. Fais un demi, fais-moi voir ton terre. Je rame tous les comico, y'a ta planche dans le zélo. Hey, c'est la war dans mon kélo. J'pète le score et c'est trop crucial. J'suis le bon russien, black and yellow. T'as capté la puissance du moteur. Reste tranquille, t'approches pas de mes terres, yeah. Calme-toi, me prends pas de hauteur. Si tu fais pas de plus, t'es mort, on lui déterre. J'arrache tout, j'connais pas la gloire. T'as relevé bonne pour l'abattoir. Dans ce game, que des Renault 5, c'est R, vous lâche, prends. Jaguar, flot de Halaga, je rêve de Phuket ou de Malaga. 9h du mat, ça part à la gratte. Dans tous les blocs, tu jettes à la gratte. Sur les trucs, on déchire d'attaque. Fais pas chauffer, sors pas le BM. Les petits chez moi sont en EPS. Les petits chez moi sont en EPS. Demande à Dylan pour s'endormir, ça fait plus de Dylan. Je crache la fumée, mes pupilles se dilatent. Rata ce soir, votre casse de Dylan. C'est les G.I. Yeah. Me suis franc jusqu'à la moelle T. J'ai H24 sur le Red D. J'envoie la frappe à le Red D. la frappe à l'été. 6.3 chargé, vitre tête et un crime lyrical, on retrouvera le corps de léger sur le synthé. Révolution et duel, c'est le 11-43. Quand c'est vous à Gaza, quand c'est vous à Gaza, KKKOS, c'est vous à Gaza. C'est chaud sur ce jeu. Spécial pour les frères Oujda. Manolo à lui. 11-43, révolution urbaine. Et tout Marseille est là dans le secteur Guirmofia. MOH, la hache de cœur au micro, mon frère. Yeah. Eh hey Marseille, y'a du monde ou quoi? Eh, hey, ça se passe comment? Oh, yeah, ok, warm shit, yeah. Je m'en bats les couilles quand je rappe, je suis tellement brusque. Je sors dans la cabine de l'aube jusqu'au crépuscule. Où est mon ami? C'est la Zermi, je veux plus qu'on discute. Toujours la même posture, je l'ai aéré à titre posthume. On a connu la misère, les lits super posés. Je travaille la culture, j'y ai très hyper posé. Il se bouscule. Effrayé par la rage que je véhicule, l'ingéré que ma voix histoire de l'immortaliser est tellement fidélisé. La team abuse est tellement fidélisée. La rue est mobilisée pour que le game soit dévalisé. Mon pote c'est la green tache sous l'OM à l'époque tapis. Des dirineurs sur son, la prod est sur le tapis. C'est du rap ghetto, Marseille, Siameto. Quartier Nord, Serleto, veulent salaire à Samuel Eto. Yeah, yeah, Samuel Eto. Marseille, quartier Nord, quartier Sud, on est là. Ça se passe comme Ignace. Ça Écoute, quartier Nord, ça fait ok, c'est la guerre comme sur les tranchées. Dans le système, je suis étrangère. À trop de gens, je me suis mélangée. Trop de ce vie qu'on mélangeant. Si on craque en te menaçant, c'est que c'est toi qui mène à ça. La CC, on manie ça. Même les mômes ont les mains sales. Ça défouraille même pour des petites sommes. De la calache au Smith et Wesson. Les schmicks pour moi, c'est personne. L'île naisse des terres comme personne. Je veux que mes comptes s'addissonnent. Je compte sur des guns que je mène tu son. Je démarre plus vite qu'un bandit, c'est ça. Chez nous, les bandits te laissent sans. Tu fais le grossiste, t'as pas. Pas de cash, tiens d'été tu te caches. Cet été faut que je me casse, j'ai la classe même pendant un casse. Pas la coupe à peau qu'on passe. Faire des sous c'est pour qu'on taffe. Y'a que les roumains qui payent pas de taxes. Mes amendes finissent à la chasse. La partie nettoyée à la Jax. Les petits s'amusent dans la crasse. Les juges ont retiré les grâces. Je vois la crise arriver depuis la Grèce. MRS, quartier Nord, mon adresse. Pour s'en sortir faut un compte à Genève. Tous les matins j'y pense que je me lève. J'ai la haine, tu peux lire sur mes lèvres. Lille Ness, 9-3, non c'est le sexe. Merci à moi, merci à c'était le live dans plein étapes entre 20 et 21. Merci, merci à vous tous. Gros gros live à l'instant avec beaucoup de monde. 11-43, MOH était au micro, Gaza était au micro. Gaza, 11-43, Gibson, MOH, l'autre fille double canon, Abdul la Caillole, toute la famille Gaza, Guiri Mafia, tous ceux qui sont passés, Sopra Kenza toute la semaine, tous ceux qui sont venus soutenir. Merci à tout le monde, la famille. Merci à vous, Lucas, pour cette semaine de révolution urbaine. Merci à vous, on souhaite bonne chance à, toi, à l'album frère. Cheval de Troie qui sort donc lundi à pas louper. Lundi dans les bacs et juste avant de se dire au revoir et de retrouver la radio libre de Diffoul, on fait tourner la roulette rapidement maintenant. On t'offre le spectacle de Noël Madani dans toute la France. Allô Jamila d'Orléans, comment ça va Jamila? Bonjour, ça bonjour va très Jamila, bien, bienvenue, bah écoute en pleine forme. La dernière avec Révolution Urbaine ce soir. Et toi aussi la dernière de la semaine pour faire tourner la roulette dans Planète Rap, c'est parti. C'est trop cool. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Ok. On t'offre le spectacle de Nawel Madani pour tes places pour la finale de la Coupe de France de football. Eh ben écoute, Jamila, tu en as fait bugger la roulette, mais tu repars avec tes 4 places pour aller voir Nawel en tournée dans toute la France avec Skyrock. Les dates sont sur le skyrock.fm. Grosse tournée pour Nawel. Et c'est 4 places pour toi. Super. Ouais, tu vas passer un super moment. Il défonce le spectacle de Nawel, franchement. Ah merci, je suis trop contente de la victoire, elle est trop contente. Et ben on te fait des bisous Jamila. Merci, moi aussi. Passe une bonne soirée une fois de plus. Je vous laisse le mot de la fin messieurs de Révolution merci, Urbaine Fred. Révolution Urbaine, cheval de Troie, J-3, dans 3 jours c'est dans les bacs. Soutenez à fond. En précommande, retrouvez-nous dans votre ville Inch'Allah, après chaque big concert up à toutes les villes. Voilà, Révolution Urbaine, ça arrive. Gros big up au rap marseillais qui arrive petit à petit, qui va, Inch'Allah, exploser cette année en 2014. Bah, rap marseillais, il y a un bel aperçu aujourd'hui, hier. Chicha, rap marseillais. Toujours Red Light. Chicha, Canal, à Bruxelles. Mamad. Viens, moi et moi. On est là, les frères. Merci. Attendez, les gars, 2 secondes. Je voudrais dire. La mèche. Attendez, les gars, 2 secondes. N'oubliez pas que l'album est en précommande sur iTunes. Et que Cheval de Troie, ça sort les 5 mai dans le bac. Donc allez-y, soutenez la famille si vous voulez. de nous voir en concert. On compte sur vous. Et merci pour tout, Fred. Merci pour la semaine. C'était super. Merci à vous. Voilà. Merci à vous tous. Merci à toi. On se retrouve très vite sur Skyrock Révolution Urbaine dans les bacs dès lundi. Et là, on va retrouver D-Fool. Et oui, merci Révolution Urbaine. Le sac dans les bacs et très vite sur Skyrock et peut-être dans la nocturne tout à l'heure, Fredo. Oui, il y aura du son, bien sûr. Du son de Révolution Urbaine, vous en avez loupé ce soir, soyez et là juste son, après la radio libre. Qui nous présentera Abdel Alien qui débarque aussi. Très bien, et bien c'est pas loupé tout à l'heure, Fredo. La nocturne, c'est à minuit, enfin juste après la radio libre. Et voilà, nous, juste après fait. Vous. Juste après nous. En et sandwich. Puis, lundi. C'est moi qui vous prends. Ouais. C'est vrai, Fredo, tu nous prends sandwich. Waouh. Le vendredi. Uniquement, oui. Voilà. Oui, uniquement, oui, c'est et, ça, c'est le jour. Et semaine prochaine, Planète Rap, le retour dès lundi. Voilà, avec Dinos Punchlinovic. Il est venu dans la nocturne. Oui, il est venu, on l'avait découvert aussi, il avait fait un morceau il y a très longtemps avec Cynic et tout. Donc c'est son Planète Rap dès lundi. Dès lundi à pas louper, donc 20h, juste avant 20h ça démarre, et jusqu'à 21h. On va vous souhaiter une bonne soirée, on se met à nouveau Michael Jackson, comme ça vous me dites ce que vous en bien. Pensez. C'est avec Justin. Ouais, avec Justin. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Fredo? Honnêtement, j'ai écouté 10 secondes. Et donc je vais l'écouter maintenant. Oui. Bah, écoute, les 10 premières secondes me paraissaient pas mal, mais voilà, faut vraiment que j'écoute. J'ai du mal à juger. Eh ben, on va là pour vous dans un instant. Le nouveau Michael Jackson. C'est marrant, nouveau Michael Jackson. Ouais. Avec il Justin. Est de retour. Écoutez bien. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. On démarre avec ça. Et puis avec vous tous en direct, hein, dans un instant aussi. Vous pouvez nous appeler, vous nous laissez vos messages. Faites tout péter jusqu'à minuit. Radio Libre sur Skyrock. C'est parti tout de suite. Et à tout à l'heure, Fredo. À tout à l'heure.